On va parler de hockey avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, les séries dans les différentes ligues s'en viennent. Ben avant, ouais, qu'est-ce qui s'est passé en fait la semaine passée? Ben en fait, la semaine passée, dans le fond, c'était la première ronde des séries là, pour l'ensemble de nos équipes là, RSEQ. Notre Benjamin, dans le fond, affrontait Chicoutimi. On avait quand même beaucoup de fil à retordre là, contre eux pendant la saison. Dans le fond, là, le premier match, on l'a perdu 2-1 à Chicoutimi. Puis le deuxième match, on l'a perdu à Roberval en temps supplémentaire. Un match très serré, chaudement disputé, là, 3-2. Notre équipe a très bien progressé. Puis on a eu vraiment des belles séries là, au niveau M13. Donc, on est très content de ça. Puis pour ce qui est des autres équipes, là, le M15 puis le M18, eux, il y avait un petit tournoi à la ronde, là, dans le sens, avec le classement de la saison régulière. Et puis, dans le fond, on avait 4 matchs à jouer là, sur un court laps de temps. Donc, notre équipe M15 là, s'est classée. Notre équipe M18 aussi. Donc là, on débute les quarts de finale là, en fin de semaine. Notre M15 affronte Cardinal-Leroy dans une série de 2 matchs. Puis notre M18 affronte Arvida dans une série de 2 matchs aussi. Ok. Donc c'est sûr qu'on va surveiller. As-tu de bon espoir pour gagner? As-tu bon espoir de... Ouais, ben ça va être des affrontements très serrés, là, à mon avis. C'est des équipes qui se connaissent quand même assez bien, là. En M15, on avait Cardinal-Leroy dans notre poule. Fait que ça fait déjà 2 fois un peu de temps qu'on les affronte. On les affronte sur un deux matchs. C'est une formule qu'on a essayé de. C'est une formule là, qui est différente dans le passé. Là, normalement, ça leur a été un 2-3. Mais là, si c'est égal, un match de chaque côté après 2 matchs, il y a une prolongation pour déterminer le gagnant de la série. Là, pour venir en aide un peu aux pénuries d'arbitres, puis le fait aussi qu'on est présentement dans le congé de Pâques durant la Coupe Dodge. Donc, ça demande, il y a quand même une grosse demande au niveau des officiels. Donc, on a coupé le 2-3 pour faire une série de 2 matchs. Fait que oui, on a bon espoir, mais ça va jouer sur la glace, puis ça va jouer pouce par pouce. Ok. Simon, si on parlait de ton recrutement, Ouais. comment ça va? Écoute, ça va bien. On avait débuté depuis un mois à faire des invitations sur nos différents médias. Les gens répondent très bien. Toi, tu trouves Dans le peut-être le fond, vendeur. Dans ça, tu fais quoi? Parce que moi, t'es-tu comme le vendeur qui vend le programme? Je suis comme le vendeur. Qui vend le Oui, puis programme, qui non, vend le dans le programme sens des aigles que. tu sais ce que je veux dire? T'sais, normalement, c'est toujours ça un peu. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas une tonne de. Je fais pas beaucoup d'appels. On se promène dans les arénas, on est allé voir des matchs, on parle avec des gens. Oui, on a rencontré certains parents, certains jeunes, mais sans plus nécessairement. Je pense que notre meilleure publicité vient des gens de notre programme, de bien s'occuper de notre programme. Le bouche à oreille se fait. Les gens veulent venir chez nous. T'sais, au-delà de tout ça, c'est des élèves athlètes, académiquement, nos jeunes. On essaie de les encadrer le mieux possible. Fait que non, je suis pas avec ma liste, mon bottin téléphonique à appeler ou à envoyer des lettres d'invitation à personnel à chacun. T'sais. Ça reste un choix. Ils savent qu'on existe. Le monde appelle, on s'informe. Puis on a les listes aussi, c'est sûr. T'sais, si on voit qu'il y a des jeunes qui sont pas inscrits ou quoi que ce soit, on va faire des démarches, on va appeler. Mais tu sais, les gens aussi, ils magasinent, il y a les espoirs aussi au Saguenay, il y a des gens là-bas aussi. Donc, c'est tout ça. Le recrutement est différent de chaque organisation. Maintenant, on va voir aussi avec les recommandations qui vont sortir, il va en venir quoi aussi, parce que je pense qu'il y a un petit moratoire sur le hockey avec des recommandations. Maintenant, il va se passer quoi dans le futur avec tout ça? Avec le nombre d'équipes, des fois le peu de joueurs dans certains bassins. Donc, c'est tout ça. Donc, on veut que tout le monde soit capable d'offrir quelque chose de qualité. Bon, fait que Simon, ça fait le tour pour cette semaine. Oui, ça marche. On Merci, s'en Danny. parle la semaine prochaine de Simon Gaudreau qui lui parlait des